traîné dans la ville pour les lover. J'ai changé, j'ai dû innover. C'est ma vie, t'es mal et mauvais. Ramène-moi les lover. J'ai traîné dans ma ville pour les lover. J'ai changé, j'ai dû innover. C'est ma vie, t'es mal et mauvais. Ramène-moi les lover. 7h du mat, je rentre chez moi. Mal à la tête, que elle marcelle. La bague au doigt, je l'ai annulée. T'aimes pas ma mère, tu niques ta mère. Je tourne dans ma vie, j'ai esquivé les ports. Chez nous c'est le gars si tu paies pas à l'heure. Trop de principes, tu le sais pertinemment. Faut que t'inquiète, jamais je toucherai ta sœur. 3-4 showcase et je mets bien Yelma. M'éloigner de ces jaloux pour finir bien loin ailleurs. Dans l'audi noir, je fais tomber mes Célia. Je leur donne même plus l'heure. J'ai traîné dans la ville pour les lover. J'ai changé, j'ai dû innover. C'est ma vie. Ramène-moi les lovés. J'ai traîné dans ma ville pour les lovés. J'ai changé, j'ai dû innover. C'est ma vie, t'es mal et mauvais. Ramène-moi les lovés. Tout pour la mif, ils ont bibi la mort. Du coup la mort, elle arrive pile à l'heure. Je te laisserai les clés de la Ventador. Vais au studio, bosse si je reviens chez à l'heure. Je pars donc je reviendrai chez moi. Non j'oublie pas, j'ai tout dans la mémoire. Comme mon blé, de toute l'histoire je me souviens. Je rentre dans le game, pour te niquer je te préviens. Hamdoulé le best, je suis dans les dièses. Cette année tu verras nos têtes dans tous les bails. Hamdoulé le best, faut que je quitte la thèse. Cette année tu verras nos têtes dans tous les bails. J'ai traîné dans la ville, pour les lover. J'ai changé, j'ai dû innover. C'est ma vie. Ramène-moi les lovés. J'ai traîné dans ma ville pour les lovés. J'ai changé, j'ai dû innover. C'est ma vie, t'es mal et mauvais. Ramène-moi les lovés. T'es mal et mauvais. T'es mal et mauvais.